couleur café. Faut-il prendre de l'assurance? Comme toujours, elle s'adapte. Ponctuelle, efficace, elle comprend rapidement ce qu'on attend d'elle, rend volontiers service, n'est pas avare de sourire ni de temps. Bonne volonté et assiduité, deux qualités essentielles qui font pardonner bien des erreurs. Sa jeunesse, son côté exotique, son petit accent si charmant, font rapidement d'elle la préférée des clients réguliers, pour ne pas dire la starlette du restaurant. Voilà qui plaît à son égo. Maternelle, en brin autoritaire, elle profite de ses avantages pour inciter les pères de famille déserteurs à rentrer chez eux. À la cuisine, elle se permet quelques libertés. Elle adore puiser dans le bac à salade chaque fois qu'elle en a l'occasion et croquer les feuilles bien fraîches. Elle se fait courser par le chef. « Sors de ma cuisine, sale gamine » hurle-t-il. Et l'obtempère en s'étouffant de rire. Avec ses 130 kilos, il ne risque pas de la rattraper. Cette semaine, Faustine est du soir. Elle commence à 16h, termine à minuit. La clientèle est bien différente de celle du midi. Ce sont principalement des couples qui exigent le service sur plat. Ils prennent des apéritifs et du vin. Ils occupent la petite salle aux tables recouvertes de nappes immaculées. Faustine y assure son service un soir sur deux. Honnêtement, elle préfère les ouvriers à ses bourgeois, souvent moins généreux. Elle a fait la connaissance de Trudy et d'Elena, les autres serveuses à demeure. Trudy a la quarantaine joviale, beaucoup de charme et la repartie facile. C'est une collègue efficace, très agréable, toujours prête à collaborer. En général, c'est elle qui est responsable des banquets du premier étage. Faustine apprend beaucoup avec Trudy, qui partage volontiers son expérience. C'est une pro, contrairement à Elena, yougoslave trentenaire, immigrée de fraîche date, qui a fui le chômage et les conditions difficiles de son pays. Incroyablement zélée, elle travaillerait nuit et jour si on la laissait faire. Elle propose sans arrêt à ses collègues de les remplacer, comme si elle voulait les pousser dehors. Elle a besoin de gagner de l'argent, rapidement, sans doute pour l'envoyer dans son pays afin d'aider sa famille. On sent que tous les moyens lui sont bons, ce qui n'est pas franchement agréable. Fin mai, Faustine touche son premier vrai salaire. 2000 francs suisses et des poussières. L'équivalent de 8000 francs français, en 1975, sans les pourboires. Une véritable fortune. La jeune fille est si excitée qu'elle commande un taxi et s'en va directement en ville dépenser une partie de son pactole. Pourquoi garder tout cet argent du moment qu'elle est nourrie et ne paye pas de loyer? C'est la première fois de sa vie qu'elle peut dilapider. Elle achète tout ce qui l'attente. Blouse brodée, robe du soir, chaussures compensées. Puis rentre en taxi avec ses derniers sous. Le soir venu, quand elle raconte à René ce qu'elle a fait, il se fâche tout rouge. Quelle inconscience, quelle imprévoyance! À quoi penses-tu donc? Faustine est bien en peine de répondre, et lui, il ignore qu'elle ne sait même pas ce qu'est un budget. Pour la simple raison que chez elle, dans sa famille, on ne parlait pas d'argent, sujet tabou. Ses parents n'ont jamais évoqué la moindre difficulté matérielle, au contraire. Maman se vantait de ne pas connaître le prix des produits de première nécessité. C'était sa manière à elle d'être riche. Ne pas avoir besoin de compter, ça, c'est la classe. À l'évidence, Faustine n'a aucune notion de ce que sont des frais fixes. Impôts, loyers, électricité, chauffage, nourriture. Pour elle, tout est argent de poche. Et il suffit de se baisser pour le ramasser. La preuve. Pourquoi s'offrait-elle? Au Hard, les serveuses sont tellement bien nourries. Une belle assiette après le coup de feu du soir et avant la fermeture des cuisines, puis à minuit. Dès qu'il a fini de passer la cireuse, Monsieur Berger leur apporte une copieuse collation de viande froide et de fromage. Faustine n'a plus qu'à se laisser rouler jusqu'à chez elle et s'écrouler à côté du René, qui, bien imbibé, dort depuis un moment déjà. Faustine trouve que depuis qu'il est au chômage, son homme passe beaucoup de temps au bistrot. Ça ne le motive pas pour l'amour, évidemment. Juin, le mercure grimpe. Madame Berger, la patronne, a terminé le grand nettoyage de printemps. Tout est propre, les vitres au plafond en passant par les murs. Ce petit bout de femme d'un mètre 60 pour 50 kilos tout mouillé travaille, souvent seule, comme une brute. Faustine n'aimerait pas sa place. Elle trouve que c'est bien plus rigolo de servir que de jouer les Putzfrauen, femme de ménage. Cela dit, il est temps d'ouvrir le jardin. Faustine aide au décrassage des tables et des chaises qu'on installe à l'ombre des vieux platanes. La terrasse donne sur une forêt toute proche, qui sera très bientôt parcourue par les promeneurs du dimanche, venus par le tram numéro 3, dont c'est le terminus. La semaine suivante, Faustine est du matin. Ce dimanche, il fait beau. On attend beaucoup de promeneurs. Faustine, toute fière, arbore des chaussures à la dernière mode. Elle a des semelles compensées de 10 cm. La pauvre. 3 heures plus tard, elle comprend sa douleur. Courir de la salle à la terrasse sur ses échasses, ses pieds sont en sang et les collants, obligatoires malgré la chaleur, accentuent encore les frottements. Après le coup de feu de midi, elle réussit enfin à atteindre les lavabos pour bassiner ses jambes. Ça la soulage un peu, mais c'est la première fois qu'elle attend sa libération avec autant d'impatience. On ne l'y reprendra pas de sitôt à jouer les coquettes. De retour à la maison, Faustine tombe sur un René Hillard qui se frotte les mains. Un de ses amis entrepreneurs lui a confié un énorme chantier à Prisago, au Tessin. Cela signifie plusieurs mois de boulot. Il est chargé d'installer de la moquette dans 3 petits immeubles nouvellement construits. Quelle aubaine! Il exulte comme s'il avait gagné au loto. Dans sa partie, la concurrence est féroce. Et se retrouver seul à la tête de ce type de chantier n'est pas donné à tout le monde. Faustine lui demande s'il va garder son appartement balois. Évidemment, dit-il. En bas, je serai logé à l'hôtel pour commencer. Ensuite, je me trouverai un logis d'appoint bon marché. Après le chantier, je remonterai de toute façon à Bâle. J'aurai besoin de mon logement. Toi, tu pourras rester ici lorsque tu travailleras et tu viendras me retrouver chaque fois que tu auras congé. Faustine est ravie. Elle ne connaît pas du tout le Tessin, cette partie italophone de la Suisse. Elle se réjouit de la découvrir.